Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 21 août 2018. En voici les grands titres. Le monde musulman a célébré la fête du mouton Eid el-Hajj. À Bujumbura, les festivités ont eu lieu notamment sur le terrain de la communauté musulmane à Nyakabiga, alors qu'une soixantaine de pèlerins se sont rendus à la Mecque. C'est un reportage d'Evariste Nzikobanyana que vous suivrez. Dès le début de ce journal, le président de la République a annoncé ce lundi un plan national de 10 ans sur lequel même les bailleurs étrangers devront se conformer pour financer divers projets. Pierre Nkurunziza s'exprimait 3 ans jour pour jour après son investiture après les élections présidentielles de 2015. Dans ce journal également, on revient sur les facilités obtenues par le Burundi dans le cadre de la convention dite Hort-Milner signée entre la Belgique et l'Angleterre pendant la colonisation. Nous terminerons ce journal par la chronique santé qui est consacrée à l'asthme avec le pneumologue et pneumopédiatre Dr François Ndikumwenayo. C'est une rediffusion. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonsoir. Une soixantaine de pèlerins musulmans burundais se sont rendus à la Mecque pour se joindre aux autres venus de tous les coins du monde pour partager la prière à l'occasion de la célébration de la fête du mouton. Pour Kassim Jaffar, porte-parole de la communauté islamique du Burundi Komibou, c'est également une occasion de partager avec les vulnérables, sans distinction de leur religion. Les festivités ont eu lieu notamment au terrain de la Komibou, en zone Nyakabiga, où s'est rendu notre reporter Évariste Nzikobanyana. Nous sommes sur le terrain de la Komibou en zone urbaine de Nyakabiga où les musulmans des environs grands ou petits se sont rassemblés pour célébrer la fête du mouton Eid el-Hajj en arabe. Certains des musulmans rencontrés sur le lieu sont très heureux de voir cette journée arriver et expliquent comment ils comptent célébrer cette fête du mouton. Nous, nous sommes venus ici pour célébrer cette fête du mouton, une fête qui nous rappelle quand Ibrahim a voulu sacrifier son fils et Dieu lui a donné un mouton à égorger. C'est une journée au cours de laquelle nous rendons visite aux indigents et aux malades. Nous devons assister tout le monde musulman et chrétien confondu. Nous célébrons cette journée pour nous rappeler le fait qu'Ibrahim a voulu sacrifier son fils unique. Lors de cette fête, celui qui a de l'argent est obligé d'acheter un animal à abattre. Au sein de la communauté islamique du Burundi, Komibou en sigle, l'on explique la leçon tirée des enseignements coraniques de cette fête du mouton. Selon Kassim Jaffar, porte-parole de la Komibou, cette fête ne concerne pas uniquement les musulmans. La leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est d'être un homme de parole. Il faut glorifier Dieu et il faut aussi vivre pacifiquement avec les gens. Alors, cette journée aussi nous enseigne le partage. Nous devons partager. Par exemple, on nous a enseigné dans les enseignements d'aujourd'hui que la part qu'on va abattre, on va partager en trois parties. La partie pour soi, donc dans la famille. La partie pour les voisins, sans distinction de religion, d'ethnie, de race. Et la troisième partie, c'est pour les pauvres. Les musulmans burundais se sont rendus à la Mecque pour se joindre aux autres venus de différents coins du monde, comme ils le faisaient dans les années antérieures. Kassim Jaffar, porte-parole de la Komibou, se dit satisfait de la façon dont les pèlerins burundais de cette année sont partis à la Mecque. Je pourrais premièrement remercier notre gouvernement qui nous a accordé le bureau de pèlerinage, puisque dans le temps, les gens pouvaient passer par le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda pour aller à la Mecque. Mais aujourd'hui, les Burundais font leurs inscriptions ici même au Burundi et les visas les trouvent ici même au Burundi et quittent Bujumbura pour aller à la Mecque sans toutefois passer par d'autres pays. Cette année, et comme les années passées, les pèlerins se sont rendus à la Mecque et aujourd'hui, on compte 60 pèlerins. Selon certains musulmans rencontrés, tout le monde n'a pas pu égorger, comme le recommandent les versets bibliques, mais qui vont partager avec ceux qui en ont eu. 200 vaches ont été égorgées à mairie de Bujumbura, selon le porte-parole de la Komibou, et l'abattage va durer 4 jours, ajoute-t-il. Merci Evariste Nzikobanyana. Et à Gitega, les festivités marquant la fête du mouton en vue également la participation du président du Sénat révérien de Kourio qui a demandé aux représentants des musulmans d'appeler aussi leurs adeptes à la protection de l'environnement, au respect du planning familial, mais aussi à répondre aux élections de 2020 et à contribuer pour leur déroulement. Le représentant de la Komibo à Gitega a dit qu'ils vont contribuer pour éviter au pays de toujours demander de l'aide. Arthur Kavavouche. Les cérémonies de la fête de moutons ont eu lieu au terrain de la communauté islamique de Gitega, sise à la 2e avenue du quartier Nyamugari, dans la ville de Gitega, où se rassemblaient les musulmans de la province de Gitega et des étrangers musulmans évrants à Gitega. Révérien Dikouri, au président en exercice du Sénat et qui a représenté le gouvernement dans ces cérémonies, a demandé aux représentants des musulmans de la province de Gitega d'aider dans la protection de l'environnement en plantant des arbres, étant donné qu'ils sont utilisés pour fabriquer le charbon. Il leur a demandé de donner des messages sur le planning familial et la poussée de en mettant au monde des enfants qu'ils peuvent élever, du moment que le récent recensement a montré que la population a augmenté et que la mortalité infantile a également augmenté à cause de beaucoup de naissances. Le président du Sénat a exhorté aux musulmans de se présenter aux élections de 2020 et d'apporter leur contribution pour éviter de toujours attendre ceux qui les aident et qui leur donnent des ordres sur ce qui doit être fait. Saïdi Moss, représentant de la Komibou à Gitega, a expliqué dans la prière l'objet de cette fête du mouton tout en demandant aux musulmans de partager ce qu'ils ont car le message est celui de l'amour. Ce représentant de la Komibou a indiqué qu'ils vont contribuer aux échéances électorales de 2020 dans le but d'éviter au pays de toujours demander de l'aide à l'extérieur. Depuis Gitega, Arthur Kavavouchi, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. Le Burundi va être guidé par un plan national sur 10 ans, comme l'a annoncé le président de la République, Pierre Nkurunziza, a indiqué que même les bailleurs de fonds qui voudront financer les projets de développement au pays devront se référer à ce plan. Il l'a dit ce lundi dans son discours à la Nation pour la célébration de 3 ans après les élections de 2015. Suivez le président Pierre Nkurunziza, traduit par Léonce Vitaliou. Le programme de sensibilisation à l'amour de la patrie est sous le thème de connaître d'où on vient pour savoir où on va. L'objectif premier est d'éveiller les consciences des Burundais. C'est un pont pour aider les Burundais à bien construire leurs projets de développement qui sont contenus dans le nouveau plan national que les Burundais ont conçu ainsi que les autres projets qui en découlent. Ce qui est prévu dans ce plan nous permettra d'atteindre notre vision du Burundi 2025. Pour ce qui est du développement du pays, ce plan sera la référence pour tout bailleur qui voudra aider le pays. Il sera traduit en Kirundi et une partie intégrante de la matière qui est dispensée lors des séances de moralisation pour savoir où on va. Le président de la République, Pierre Nkurunziza, une convention dite Hort-Milner a été signée entre la Belgique et l'Angleterre pendant la période coloniale. Cet accord consiste à l'attribution des concessions de Kigoma et Dar es Salaam à la Tanzanie, qui était gouvernée par l'Angleterre, tandis que Gisaka et Ougoufi ont passé à la Belgique, qui colonisait le Burundi. De plus, le Burundi, par le biais de la Belgique, obtint des facilités spéciales sur les voies ferrées reliant Kigoma et Dar es Salaam. Eli Nibel Nivikira. Cette convention résulte de la perte de ses colonies par l'Allemagne suite à la défaite enregistrée pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1918. En août 1914, les Allemands, alors colonisateurs du Rwanda et du Burundi, déclarent la guerre contre les Belges qui occupaient la RDC, mais ne purent pas résister devant la puissance belge. À cette époque, Tanganyika Territory, aujourd'hui la Tanzanie, avait été conquise par les Anglais. En 1919, l'Angleterre, représentée par Lord Milner, le secrétaire d'État aux colonies anglaises, trouva que la Belgique avait besoin de réparations pour les sacrifices consentis et les dommages subis. La Belgique avait droit à la revendication de l'administration des terres conquises. Mais la Belgique, représentée par Pierre Hort, devrait faciliter la réalisation du projet de construction d'un chemin de fer reliant le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud au Caire. En 1919, fut signée, la convention Hortemillénaire, une convention de rigueur jusqu'à aujourd'hui qui aboutit à certaines clauses. Parmi les points saillants figure l'attachement de Gisaka et du Bugufi au Tanganyika Territory en vue de faciliter la construction d'un chemin de fer reliant le Caire et Cap, un projet initié par les Anglais, ce qui fut fait en 1921. En échange, la Belgique reçut les concessions de Kigoma et de Dar es Salaam avec des facilités spéciales sur les voies ferrées reliant les deux villes. Pour le cas du Rwanda, le roi Yuhi V Musinga va protester cette clause car on lui prenait un quart de son pays et va récupérer le Gisaka. Cependant, le Bugufi sera définitivement attaché à la Tanzanie actuelle. Au sujet de savoir pourquoi le Burundi ne profite pas des avantages de cette convention et que le Bugufi n'a pas été rétrocédé, le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karigwandenzako, nous a renvoyé au ministère des Relations extérieures. Et ce ministère, contacté par la radio Isanganiro, n'a fait aucun commentaire. Elie Nibel Nibigira, nouvelle de Provence, une jeune fille âgée d'à peu près 15 ans a été tuée au cours de cette nuit et son corps a été retrouvé ce mardi matin à Kanawubu, c'est au centre-ville de Bouwanza. Les témoins sur place indiquent que la victime a été d'abord violée avant d'être égorgée. L'administrateur de la commune Bouwanza précise que l'administration, en collaboration avec la police, ont déjà commencé les enquêtes afin d'identifier les auteurs de ce crime. Et les habitants de la province Bouwanza expriment leur satisfaction pour la campagne de descente sur terrain des juges et l'exécution des procès des conflits fonciers. Mais ils demandent aussi que les dossiers toujours pendants à la cour d'appel soient jugés et exécutés. Spes Caritas Kabanyana pour les détails. C'est dans le cadre de réduire les déplacements des justiciables et pour une justice pour tous que des descentes des juges sur les collines ont été organisées par le ministère de la Justice en collaboration avec l'OPNUD. Des constats, des exécutions, des dossiers de conflits fonciers et d'autres services ont été réalisés. Et dans cette province de Bouwanza, 470 dossiers de conflits fonciers qui étaient prévus dans quatre communes, à savoir Musigati, Gihanga, Bouwanza et Manda, ont été tous réalisés selon les présidents des tribunaux de résidence, sauf quelques-uns où les juges ont trouvé les justiciables absents et il fallait y retourner. Cyril Simbavimbele est un habitant du village 3 de la commune Gihanga qui loue les activités de cette campagne, mais il demande au ministère de la Justice de faire la même chose pour les dossiers des conflits fonciers se trouvant au niveau de la cour d'appel à Bujumbura et qui y passent même des années. Cet homme souhaite que ces dossiers soient également vidés et ce serait aussi une façon d'éviter ou de réduire les conflits fonciers qui ont toujours enregistré des victimes selon Cyril Simbavimbele. Cette qualité de Kabanyana, Bouwanza. Radio Isanganiro, chronique santé. Et la chronique santé de ce mardi, nous parlons de l'asthme, une maladie qui touche les bronches. Le pneumologue et pneumopédiatre Dr François Ndikoumenayo dit que cette maladie chronique se traduit par une difficulté à respirer et une toux sèche. Et si l'asthme n'est pas traité à temps, elle peut entraîner de graves complications et empêcher à la personne atteinte de mener une vie normale. Cette chronique est une rediffusion. Francine Ndiokougaï. L'asthme est une maladie respiratoire qui attaque les bronches. Le pneumologue et pneumopédiatre François Ndikoumenayo la qualifie d'agression des voies respiratoires. Il s'agit d'une agression des voies respiratoires, les bronches à l'occurrence, par des allergènes ou par d'autres substances irritantes. Mais à la base, il y a un terrain d'allergie qui est constitué par les propriétés physiques, physiologiques des bronches qui font que les bronches soient sensibles à certaines substances. Le docteur François Ndikoumenayo indique que les crises d'asthme sont fréquentes chez les enfants, de même que chez les adultes, et se manifestent par une difficulté à respirer. Il va y avoir une contraction des muscles lisses qui constituent les parois des bronches. Cette contraction s'accompagne avec une production du mucus et une constitution d'un édème des bronches. Ces trois éléments font qu'il y a une diminution de la calibre des bronches, d'où l'origine de la symptomatologie traduisant l'asthme, qui est le sifflement. Et à cela pourra s'ajouter éventuellement de la toux, pour là s'ajouter une transpiration. Étant classé parmi les maladies dites chroniques, l'asthme apparaîtra par des crises successives. L'asthme peut être intermittent, peut être persistant. Et une fois persistant, peut être persistant léger, persistant moyen, persistant sévère. Là, par contre, ce n'est pas la sévérité des crises qui définissent les grades de sévérité de l'asthme, c'est plutôt la fréquence des signes d'haletant. Quelqu'un qui présente moins de crises, dis-moi une crise une fois au mois, une crise et une fois le deux mois, celui-là, il est asthmatique, mais il s'agit d'un asthme intermittent. Celui qui fait une crise quasiment tous les jours, pendant plus d'une semaine ou plus, celui-là, il fait des crises d'asthme. Mais ces crises d'asthme définissent ce qu'on appelle asthme persistant, persistant sévère, de ce fait que les crises se répètent régulièrement et pendant longtemps. Le pneumologue et pneumopédiatre fait savoir que le diagnostic est d'abord clinique et fait également recours à d'autres examens complémentaires. Le médecin doit interroger son patient et l'examiner. À l'examinant, il va à l'auscultant entendre un bruit qui peut s'attendre selon le stade de gravité, en fin d'expiration, pendant la respiration et ou à deux temps respiratoires. Actuellement, il y a des examens complémentaires qui nous aident à pouvoir nuancer un sifflement d'origine asthmatique dans un sifflement qui n'est pas d'origine asthmatique. Il s'agit d'une spirométrie. C'est un test qui constitue à mesurer les volumes respiratoires. En plus de cette spirométrie, on peut en même temps faire un test de réversibilité. C'est un test qui consiste à vérifier si le médicament bronchodilatateur couramment utilisé, qui est le salbutamol, améliore le patient. L'asthme mal contrôlé peut se compliquer et mettre en danger la vie de ceux qui en souffrent. Nous vous en parlerons dans notre prochaine chronique santé. Merci Francine, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Audrey Ndaikeza pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes.